Sainte Bible selon saint Jérôme, second livre des Rois, chapitre 11. Cependant Athalie, mère d'Ocosias, voyant son fils mort, se leva et tua toute la race royale. Mais Josaba, fille du roi Joram, sœur d'Ocosias, prenant Joas, fils d'Ocosias, le déroba du milieu des enfants du roi que l'on tuait, ainsi que sa nourrice, l'enleva de sa chambre à coucher et le cacha aux yeux d'Athalie, afin qu'il ne fût pas tué. Et il fut 6 ans avec sa nourrice, en secret, dans la maison du Seigneur. Cependant, Athalie régnait sur la terre de Juda. Or, en la 7e année, Joïada envoya, et prenant les centurions et les soldats, il les introduisit près de lui dans le temple du Seigneur, et il fit alliance avec eux. Et les adjurant dans la maison du Seigneur, il le montra, le fils du roi, et leur ordonna, disant: Voici ce que vous devez faire. Qu'une troisième partie de vous entre au jour du sabbat et qu'elle fasse sentinelle à la maison du roi. Mais qu'une troisième partie soit à la porte de sourds et qu'une troisième partie soit à la porte qui est derrière l'habitation des scutaires. Et vous ferez sentinelle à la maison de Messa. Que les deux parties d'entre vous, qui toutes sortiront au jour du sabbat, fassent sentinelle à la maison du Seigneur auprès du roi. Et vous l'entourerez, ayant les armes en vos mains. Mais si quelqu'un entre dans l'enceinte du temple, qu'il soit tué. Et vous serez avec le roi lorsqu'il entrera et qu'il sortira. Et les centurions firent selon tout ce que leur avait ordonné Joïada le prêtre. Et prenant chacun leurs hommes qui entraient au jour du sabbat avec ceux qui sortaient au jour du sabbat, ils vinrent près de Joïada le prêtre, qui leur donna les lances et les armes du roi David, qui étaient dans la maison du Seigneur. Et ils se tinrent debout, chacun ayant les armes à la main, depuis le côté droit du temple jusqu'au côté gauche de l'autel et du temple autour du roi. Joïada présenta ensuite le fils du roi, et il mit sur lui le diadème et le témoignage. Ils le firent roi, et l'oignirent, puis frappant des mains, ils dirent: Vive le roi! Or Athalie entendit la voix du peuple qui accourait. Et entrant vers la foule dans le temple du Seigneur, elle vit le roi qui était sur le tribunal selon la coutume, et les chantres et les trompettes près de lui, et tout le peuple de la terre se réjouissant et sonnant des trompettes. Alors elle déchira ses vêtements et s'écria: Conspiration, conspiration! Alors Joïada ordonna au centurion qui commandait les troupes, disant: Emmenez-la hors de l'enceinte du temple, et que quiconque la suivra soit frappé par le glaive. Car le prêtre avait dit qu'elle ne soit pas tuée dans le temple du Seigneur. Ils mirent donc la main sur elle, et ils la traînèrent par le chemin de la porte des chevaux près du palais, et elle fut tuée là. Joïada fit donc l'alliance entre le Seigneur, entre le roi et entre le peuple, afin qu'il fût le peuple du Seigneur, et entre le roi et le peuple. Et tout le peuple de la terre entra dans le temple de Baal. Et ils détruisirent ses autels, brisèrent complètement ses statues. Et Matan lui-même, le prêtre de Baal, ils le tuèrent devant l'autel. Et le prêtre mit des gardes dans la maison du Seigneur. Et il prit les centurions, les légions de Séret et de Phélète, et tout le peuple de la terre, et ils conduisirent le roi hors de la maison du Seigneur, et vinrent par le chemin de la porte des scutaires au palais, et s'assit sur le trône des rois. Et tout le peuple de la terre se réjouit, et la ville demeura en paix. Mais Athalie périt par le glaive dans la maison du roi. Or Joas avait 7 ans lorsqu'il commença à régner. Enregistrement de la Sainte Bible selon la Vulgate, traduite en français avec des notes par l'abbé Glaire. Pour le site jésusmarie.com, afin d'en assurer une diffusion gratuite. Fichier placé sous licence Creative Commons le 30 novembre 2010. Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous.